Violon brisé par Paul Yonka. Par une charitable habitude, prise de longue date, les dames de Port-sur-Marne organisaient tous les ans, au mois de janvier, une fête de bienfaisance au profit des indigents du pays. Mais cette année-là, en 1900 et quelques, le comité se trouva fort embarrassé. Comme de coutume, la réunion avait lieu chez Madame Bréau, la femme du maire, et dès le début, les esprits sagaces purent prévoir que cela n'irait pas tout seul. C'est que vraiment on ne savait plus que faire. Depuis si longtemps que la charitable institution fonctionnait pour l'édification des riches et le bien des pauvres, elle avait usé et abusé de tous les prétextes sous lesquels on peut raisonnablement adresser un appel à la bourse, souvent réfractaire, du prochain. Et puis, il ne s'agit pas seulement de porter secours à autrui. Il faut avant tout que l'intention s'en manifeste sous une forme élégante, propre à faire valoir nos petits mérites personnels. La discussion se poursuivait, non sans âpreté. Tous les mécontentements des années précédentes remontaient aux lèvres. Aussi, Mademoiselle Cousinelle, qui en dépit de ses 45 ans, se plaisait à jouer les ingénues, ayant proposé une scénette ravissante, on lui rappela avec aigreur que la comédie organisée 3 ans auparavant à son instigation avait fait un four complet. Il ne fallait pas penser davantage à la vente de charité. La dernière, installée dans la salle de la mairie, avait rapporté 17,50 francs. Quant aux loteries, tant qu'il ne s'agissait que de fournir les lots, cela allait encore. Ces dames offrant volontiers de menus ouvrages, destinés à prouver le talent de leurs doigts de fée, et les habitants de Port-sur-Marne ayant tous dans les greniers de ces objets plutôt défraîchis qui font merveille dans ces occasions-là. Mais pour prendre des billets, plus personne. Tout le monde voulait gagner sans bourse déliée. C'était désespérant, et le comité ne savait plus à quel saint se vouer. Commencé à 2 heures de l'après-midi, le débat n'avait pas fait 1 pas à 5. On ne pouvait pourtant pas lever la séance sans prendre une résolution. C'était la faillite d'une institution bienfaisante, honneur de Port-sur-Marne depuis de longues années. Si on donnait tout simplement un concert, en adressant un appel au bon vouloir des amateurs de la ville, proposa Mademoiselle Caroline Montenoy, qui disait des monologues. Ces dames se regardèrent. « Ça va lui permettre de se mettre en évidence, » chuchota Mademoiselle Cousinelle à l'oreille de sa voisine, « et elle espère découvrir un mari, en débitant des fadaises en public. » « Oh, elle n'a que 25 ans, il n'y a pas trop de temps perdu, » répliqua la bonne âme avec un sourire candide. La vieille fille se mordit les lèvres et se renfonça dans un angle pour y marquer sa volonté de ne plus se mêler à la délibération. Cependant, la motion de Mademoiselle Montenoy ralliait les suffrages. Presque toutes ces dames étaient musiciennes, et quand on a une valeur artistique, quoi de plus naturel que de sourire à l'idée qui peut la faire valoir. L'une songeait qu'elle pourrait jouer son grand morceau. Une autre se remémorait déjà les plus sentimentales des vieilles chansons dont elle s'était créée la spécialité et qu'elle roucoulait avec une langue romantique fort distinguée. Une troisième, châtelaine des environs, promenait sur une délicieuse harpe d'aïeul, de belles mains chargées de bagues, dont la vue séduisante empêchait heureusement d'entendre les sons qu'elle tirait de l'instrument. Elles étaient trop charitables, ces belles mains, pour songer un seul instant à refuser de s'exhiber au premier plan sur une estrade. Mademoiselle Caroline eut donc là 3 voix autorisées qui entraînèrent les autres, les voix grognons qui ne chantaient pas, les voix hésitantes ou modestes qui doutaient de leur talent. Mais une autre qu'on ne consultait pas s'éleva, celle de M. Pénautier, un vieux conseiller municipal admis aux délibérations du comité à cause de son inépuisable générosité. Il ne peut pas y avoir de concert à Port-sur-Marne sans le concours de Mademoiselle Cécile Fayel, dit M. Pénautier. « Ah, si elle consent à venir nous chanter à Scagno, nous ferons sale comble. » Ces dames s'entre-regardèrent avec une incertitude marquée. Chacun sait en effet que rien n'est ennuyeux comme une étoile dans une troupe d'artistes, fût-elle d'artistes amateurs. Le public ne respire que pour elle. Il l'attend avant qu'elle n'ait paru et reste absorbé dans son souvenir quand elle n'est plus là. Mais faute de pouvoir librement exprimer cette opinion si naturelle, tout le monde se tut, sauf Mademoiselle Cousinelle, qui du coup recouvra la parole. Mademoiselle Cécile, mais elle ne voudra jamais, elle ne chante que dans l'intimité. Je ne l'ignore pas, répliqua le vieux conseiller. Néanmoins, on peut essayer. D'ailleurs, il est plus que difficile d'exclure les dames Fayel du concert, justement, parce que cette charmante Cécile a une belle voix. Ne pas demander leur concours serait une grossièreté, libre à elle de refuser ensuite. « A-t-elle une si belle voix que ça ?» demanda négligemment la femme du notaire. Monsieur Penautier leva au plafond des yeux ravis. « Ah, madame, un délice! Si vous l'entendiez chanter la ballade de Colombe dans Ascanio !» La femme du maire sourit. « Espérons pour nos pauvres que nous l'entendrons. » Et séance tenante, pour dédommager mademoiselle Cousinelle qui ne chantait pas, ne jouait ni du piano ni de l'harpe, on décida qu'elle irait officiellement, au nom du comité, solliciter de la toute gracieuse mademoiselle Cécile Fayel que celle-ci voulait bien prendre part au concert de charité en y chantant la ballade de Colombe. Mademoiselle Cécile Fayel, fille du président du tribunal de Port-sur-Marne, était une charmante enfant de 18 ans à peine, prime sautière et enjouée, toutes à ses études qu'elle terminait en suivant les cours variés qui, à notre époque, font partie intégrante de l'éducation d'une jeune personne accomplie. Remarquablement douée pour les arts, elle possédait, en dépit de son jeune âge, une superbe voix de contralto que bien peu de privilégiés avaient entendue. La famille Fayel, en effet, vivait fort retirée, non par misanthropie ou dédain, mais simplement par l'inconscient effet de cette délicatesse morale qui veut que certaines natures ne s'épanouissent que dans la serre chaude de l'intimité. Mais le charme de cette retraite avait transpiré, grâce aux indiscrétions sympathiques des rares amis qui y avaient leurs entrées, et à l'occasion d'une petite soirée très privée, Cécile ayant, par exception et par respect des devoirs de l'hospitalité, dérogé à ses habitudes d'effacement modeste, en détaillant en artiste plusieurs airs d'opéra, ses auditeurs émerveillés lui avaient fait une réputation locale de grande cantatrice. Le vieux M. Penautier surtout, mélomane enragé, s'était passionné pour la ballade de Colombe dans Ascanio de Saint-Saëns. Il allait, répétant à tout venant que Mlle Fayel y était incomparable, et ce n'est pas exagéré que d'affirmer que tout Port-sur-Marne brûlait d'entendre, émise par les lèvres pures de la fille du président, la plainte mélancolique de l'amour perdu. La proposition du conseiller municipal répondait donc à une nécessité du moment et le comité ne pouvait que s'y rallier en acceptant de solliciter un concours assuré de faire sale comble. Et puis, cette gentille Cécile aurait le triomphe modeste. Elle n'abuserait sûrement pas des acclamations, elle en laisserait une part aux autres. Réconciliée avec l'idée qui lui conférait l'importance d'un mandat, Mademoiselle Cousinelle se présenta donc dès le lendemain à la vieille maison qu'habitaient Cécile et ses parents, dans un quartier éloigné de la ville. Madame Fayel accueillit la visiteuse avec son affabilité habituelle. Mais au premier mot de la requête, Mademoiselle Cécile, qui était toute de premier mouvement, jeta une énergique protestation. « Jamais je ne chanterai en public, jamais. Je ne pourrai pas d'ailleurs. » Mademoiselle Cousinelle se fit insinuante. « C'est pour les pauvres, ma mignonne. » La mignonne secoua la tête mutine. « Non, non, mademoiselle, n'insistez pas. Et du reste, attendez, je vais les dédommager, vos pauvres. » Elle courait à un petit coffret, en retirait un billet de 100 francs, patiemment économisé pour payer de jolis bibelots, des coquetteries innocentes, et l'offrait gentiment à la mandataire du comité. Celle-ci eut beau prier, supplier, elle n'obtint pas d'autre réponse, et elle s'en retourna, mortifiée au-delà de toute expression, de n'avoir pu obtenir la ballade de Colombe. Le concert eut lieu dans les premiers jours de janvier avec un succès honorable. Tout Port-sur-Marne, résigné désormais à ne jamais entendre le contralto merveilleux de Mademoiselle Fayel, s'étant, en désespoir de cause, accommodé du morceau de harpe de la châtelaine et les grâces ingénues de Mademoiselle Montenoy qui récita de façon suffisante des poésies de Pailleron. « Voilà qui a avantageusement remplacé ma ballade, » dit avec sincérité la bonne Cécile en félicitant les dames artistes. Puis elle n'y pensa plus. Quelques jours plus tard, elle revenait de ses cours à la nuit tombée, accompagnée de Philomène, sa bonne. Il avait plu tout le jour. Une sorte de brouillard humide restait suspendu dans l'air. On y voyait à peine pour se conduire par les rues mal éclairées de la petite ville. Comme elle arrivait à une place assez basse et déserte à 7 heures, qu'encadraient de vieux hôtels où résidaient, de temps immémorial, les notables habitants de Port-sur-Marne, la jeune fille s'arrêta, frappée au cœur par une étrange plainte. Son regard fouilla l'ombre et d'abord ne distingua rien. Pourtant la voix continuait de gémir, parfois désolée comme un sanglot. Profondément remuée, Cécile Fayel avança de quelques pas et bientôt discerna une sorte de paquet de vêtements échoué sur une borne. « Prenez garde, mademoiselle, » s'exclama Philomène, qui en sa qualité de servante de magistrat voyait les assassins partout. « C'est peut-être quelque malfaiteur. » Cécile n'écoutait pas, Elle s'approcha et tout de suite s'immobilisa de surprise et de pitié. Elle se trouvait en face d'un enfant d'une douzaine d'années qui pleurait à chaudes larmes et, contraste navrant, s'efforçait de chanter. Oh, cette enfantine figure meurtrie, sillonnée de pleurs, déformée par une effroyable angoisse inconnue. En sa jeune vie heureuse, Cécile n'avait jamais rencontré la souffrance humaine à ce degré d'intensité. Bouleversée jusqu'au fond de l'être, elle crut voir se dresser devant elle la vivante image de la douleur. Doucement, elle prit l'enfant par la main, l'interrogea. Les sanglots l'étouffaient, à peine s'il pouvait parler. Bribe par bribe, la jeune fille lui arracha l'histoire de sa misère. Il s'appelait Jean Carol, était orphelin et habitait depuis peu un faubourg de la ville avec un aïeul dont il était l'unique soutien. Pour donner du pain aux vieillards malades, il jouait du violon dans les rues. Aujourd'hui, il était sorti comme les autres jours, mais il faisait si froid que ses doigts engourdis avaient laissé échapper l'instrument. Les débris gisaient là, par terre, à ses pieds. C'était un épouvantable malheur, le gagne-pain perdu. Alors lui, le pauvre petit Jean, pour ne pas rentrer les mains vides au logis, il avait essayé de chanter, oui, de chanter comme un mendiant. Mais il avait trop de chagrin, il ne pouvait pas, et au lieu de l'air qu'il tâchait d'émettre, c'était un cri de désespoir qui lui déchirait la gorge. Oh, quelle lamentable chanson cela faisait! Quelle chose affreuse de vouloir rire et chanter quand on a le cœur saignant de détresse et les yeux brûlés de larmes. Cécile avait écouté, frémissante. Quand l'enfant se tut, elle ne se contint plus. Une idée généreuse traversait son cerveau, et par un de ces adorables élans dont elle était coutumière, elle la mit à exécution sans tarder. « Ah, tu ne peux pas chanter !» s'écria-t-elle. « Eh bien, attends, mon petit, je vais chanter à ta place !» Et ignorant qu'elle agissait comme un grand artiste en pareil cas, la charmante fille se campa au milieu de la place et bravement, de toute sa superbe voix, attaqua la ballade de Colombe. « Mon cœur est sous la pierre où nous l'avons scellé, quand tu t'en es allé. En cette ombre, il espère le jour de ton retour. » Le magnifique organe montait, vibrant, dans la sonorité du soir et le silence de la place. Les fenêtres s'ouvrirent. Des rues adjacentes on accourut et une stupéfaction plana. Mademoiselle Cécile Fayel chantait en plein air cette ballade refusée au concert. C'était à n'en croire ni ses yeux ni ses oreilles. Mais bientôt on comprit, et un murmure admiratif courut dans les groupes qui se formaient. C'était joliment crâne, ce qu'elle faisait là, cette gentille Cécile. Aussi les auditeurs, devenus foules en un clin d'œil, se massèrent-ils sur la place, ravis de l'incident et de l'aubaine, écoutant avec délice, tandis que Philomène demeurait à l'écart, bouche bée et les bras ballants, se demande avec effroi ce que dirait madame. Beaucoup plus que noblesse, bonté oblige. En dépit des appréhensions de Philomène, madame Fayel n'eut pas le courage de blâmer la bonne action spontanée de sa fille. Elle jugea même qu'on ne pouvait s'arrêter en si beau chemin et abandonner au douloureux incertain de son sort l'enfant auquel la charité des habitants de Port-sur-Marne avait, par une quête fructueuse faite après la peu banale audition de la ballade de Colombe, assuré le pain de quelques jours. L'aïeul, placé dans une maison de retraite, où il coula doucement le peu de temps qu'il restait à vivre, la famille Fayel s'occupa de l'orphelin, non pas selon les usages de la bienfaisance vulgaire, qui trop souvent abaisse le pauvre au lieu de le relever, mais selon le principe de la vraie solidarité humaine, laquelle voit dans tout être qui souffre un frère malheureux. Pour la généreuse Cécile, l'enfant, si bravement secouru en un soir d'hiver, fut bientôt un frère, en effet. En lui faisant du bien, ni elle, ni ses parents ne songèrent à lui imposer une manière de voir. Ils eurent la délicatesse très haute de l'affranchir de sa misère et de lui préparer une destinée. D'autres, peut-être, eussent cru assez faire en confiant le garçonnet à quelque institution charitable ou en utilisant ses services dans leur maison. Monsieur et madame Fayel lui demandèrent simplement « Que veux-tu devenir, mon enfant ?» Et le petit, l'éclair d'un rêve aux prunelles, répondit ardemment « Je veux être musicien. » Son vœu fut accompli. Il travailla frénétiquement avec ce seul but, conquérir la gloire pour la mettre un jour au pied de ses bienfaiteurs, pour l'offrir, éblouissant hommage, à la créature adorée qu'il avait sauvée. Car s'il aima tout de suite monsieur et madame Fayel d'une filiale tendresse, ce fut un culte qui naquit en son âme pour Cécile, un de ces sentiments éternels et absolus qui ne peuvent germer que dans un cœur neuf et qui durent autant que lui. Toujours, la jeune fille devait demeurer pour Jean Carol dans ce nimbe où elle était apparue à sa détresse, et pour personne, jamais, il ne retrouverait la ferveur d'adoration qui l'inclinait vers elle. Ainsi, il était heureux. Il jouissait de la voir, de l'entendre, et ne demandait pas davantage. Le présent le berçait, le triste passé était aboli. Il n'envisageait pas l'avenir. Toute son adolescence coula dans ce rêve suave. Mais hélas, on se réveille de tous les rêves. Jean Carroll avait 16 ans. Quand arrivant pour les vacances dans l'hospitalière maison, il était traité en enfant adoptif, il y trouva tout le monde en fête. Cécile avait au front un rayonnement inconnu. Monsieur et Madame Fayel souriaient d'un sourire attendri, tandis que leurs paupières retenaient des larmes, les larmes de l'éternelle mélancolie qui se glisse dans tous nos bonheurs. C'est que Cécile se mariait. Elle épousait le fiancé de son choix, un jeune diplomate qui allait l'emmener au loin, et ce serait pour l'aimer que résonnerait, dans une maison étrangère, la superbe voix qui réveillait au fond de l'âme les songes endormis. Ce fut pour Jean comme un coup de massue. Jamais il n'avait pensé qu'elle pourrait s'en aller, un jour, au bras d'un autre, et qu'il ne la verrait plus. Alors, par un changement que ses bienfaiteurs jugèrent inexplicable, il devint sauvage. Fuyant les réunions, il passa les vacances aérées par les bois, les endroits solitaires où l'on peut souffrir à l'aise et gémir comme une bête blessée. Au repas ou aux entrevues nécessaires, il était calme et silencieux. Pourtant, le jour du mariage, son courage le trahit. La cérémonie achevée, il s'enfuit dans sa chambre, fit dire qu'il était malade. Il ne voulait pas voir partir Cécile. Il sentait qu'il tomberait là, près de la voiture, avec un grand cri de désespoir. Mais la jeune femme le chercha. Elle refusait de quitter la maison paternelle sans embrasser celui qu'elle appelait son petit frère. À cet adieu tendre, quelque chose se brisa dans l'âme de Jean. Il éclata en sanglots. « Qu'as-tu donc ? » s'écria Cécile, effrayée. « Je reviendrai, Jean, voyons, sois raisonnable. » Il leva vers elle un regard plein d'une inexprimable désolation et tout bas, d'une pauvre voix qui tremblait effroyablement, il lui chanta. « Mon cœur est sous la pierre, où nous l'avons scellé. Quand tu t'en es allé ?» Elle comprit et demeura saisie un instant, puis, souriant de ce qu'elle croyait une souffrance d'enfant, elle dit « Ce sera vite oublié, mon petit Jean, sois raisonnable. » Et elle se sauva, courant vers son bonheur qui l'attendait. Jean Carroll n'était pas de ceux qui oublient, mais par bonheur il était de ces grands artistes chez qui la douleur engendre le génie. Pris de Rome, puis compositeur applaudi, il atteint maintenant à cette gloire qu'il avait rêvé d'offrir en hommage à ses bienfaiteurs. Son premier grand opéra vient d'être joué. Vous l'avez entendu, sans doute, vous y avez pleuré, peut-être. Et je vous ai conté cette histoire pour que vous sachiez que le talent qui nous émeut est fait, presque toujours, de l'impérissable regret de quelques félicités perdues. C'était « Violon brisé » par Paul Juncker.